L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle, l'apostrophe, l'émission. Aujourd'hui, en ce mois de novembre, nous avons des invités en studio, Arlette Namians, auteure et adaptatrice, Jean-Paul Wenzel, metteur en scène pour Antigone, d'ailleurs l'un et l'autre, pour Antigone 82, dont il sera question au cours de cette émission, d'après un texte de Sorge Chalandon, lui-même auteur, romancier, journaliste et grand reporter, Le Quatrième Mur. C'est de ce livre aussi qu'il sera question au cours de l'interview. Ensuite, Lucie Rébéré, metteur en scène pour le spectacle Cross ou la Fureur de Vie. Bonjour à vous trois. En studio, nous aurons un retour sur une répétition publique d'un spectacle qui a pour titre Cage, qui sera à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Arts les 4, 11 et 18 décembre. Et enfin, nous aurons les comédiens du Raoul Collectif, tout droit venu de Belgique, pour le spectacle Rumeurs et Petits Jours, une satire hilarante sur notre société rationnelle et matérialiste. Voilà au menu de notre émission. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, c'est bien le spectacle Antigone 82 d'après le Quatrième Mur de Sorge Chalandon, un texte édité aux éditions Grasset qui a obtenu, puisqu'on est à peu près dans cette actualité en ce moment même, en cette année 2017, ce livre a obtenu le prix Goncourt des lycéens, c'était en 2013. Un spectacle à l'affiche les 9 et 10 novembre à l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, au Théâtre des Louvrets à Pontoise, et il sera aussi présenté dans d'autres lieux que je préciserai avant cette fin d'interview. Mais commençons avec nos deux invités. Jean-Paul Wenzel, pourquoi avoir mis en création ce spectacle Antigone 82 ? D'abord, c'est la lecture du livre de Sorge Chalandon, ce livre magnifique qui nous a, Arlette et moi, complètement renversé à la lecture, et donc et qui appelait d'une certaine manière la scène, le théâtre, et donc Arlette s'est attelée à la tâche pendant de longs mois pour adapter ce livre de 330 pages, donc pour le rendre visible pour 2 heures de spectacle. Il a fallu donc le compresser et en tirer la sève maximale, et donc il y a eu un travail magnifique d'Arlette, et donc on a expérimenté ça l'an dernier au Théâtre des Arts avec l'apostrophe, et cette année nous en avons fabriqué un vrai spectacle qui est en tournée en ce moment. Arlette Namians, comment on adapte un texte comme celui-ci au théâtre ? Je sais que l'un comme l'autre, vous co-dirigez, une compagnie qui s'appelle Dorénavant, c'est ça ? Et l'une des marques de fabrique, si je puis dire, l'une des identités de votre compagnie, c'est le travail sur l'écriture, sur l'écrit. Mais de là à s'emparer d'un texte qui n'était pas au départ fait pour le théâtre. Oui, bien sûr, mais en fait, on est auteurs tous les deux, donc en effet, on est sensibles au texte. Et puis, Jean-Paul a monté une dizaine d'adaptations de romans que j'avais adaptés pour le théâtre. Et puis alors, pour celui-là, évidemment, déjà le titre, Le Quatrième Mur, qui est une expression au théâtre et qui désigne, c'est bien de le redire encore, cet espace, cette frontière invisible entre la scène et le public, et donc c'était, au fond, le titre était aussi une invitation à le faire tomber, c'est-à-dire, ce que Jean-Paul a fait, que j'ai fait d'abord dans l'adaptation, il y avait quelque chose en dehors de l'histoire que Chalandon raconte dans le livre, il y avait aussi une forme, et j'ai été très sensible au fait qu'il y avait une musicalité entre les scènes et le récit. Et les récits. Donc c'est tout de suite, Jean-Paul, en lisant la deuxième version de mon adaptation, parce que j'en ai fait 4, a eu envie de mettre le public en trifrontal. Au-delà de ce symbole qu'est le quatrième mur pour les gens de théâtre que vous êtes, l'histoire, quand je disais c'était pas spécialement adaptable au théâtre, cela dit, il est question de théâtre dans cette affaire, puisque ça part d'un rêve fou de théâtre. Au départ, oui, c'est donc un jeune grec qui a fui les colonels, qui avait déjà monté l'Antigone d'Anouilh pendant la dictature des colonels en Grèce, dans l'université occupée. Il a été d'ailleurs dénoncé pour ça, parce que voilà, il a été torturé même, et donc il fait de la prison, et il s'enfuit à un moment donné, il arrive en France, et il a la déclaration de guerre de Beyrouth, il a l'idée folle d'aller remonter Antigone dans ce pays en guerre, à partir de 75, avec tous les ennemis en présence sur les lignes de front, donc des phalangistes, des druzes, des chrétiens, des chiites, des palestiniens sunnites, etc. Donc, c'est plus qu'une utopie, en fait. Oui, lui, il rêve d'une chose, c'est de faire... d'arriver à faire 2 heures de paix dans cette guerre-là, enfin une trêve de 2 heures, quoi. Et donc c'est un rêve un peu fou. Et donc il pourra pas aller jusqu'au bout. Il va quand même lui Samuel Akounis, ce grec, va aller là-bas au Liban pendant 2-3 ans pour constituer son équipe d'acteurs. Mmh. Et puis au retour, il est très malade, et il va confier donc ça. Cette utopie, cette folie, il va la confier à Georges, son grand ami, qui est lui aussi metteur en scène, et c'est un homme, Georges, qui a fait du théâtre dans les usines occupées, voilà, c'est un militant un peu, etc. Sauf que Georges vient de se marier, vient d'avoir un enfant, donc c'est un cadeau empoisonné qu'on lui fait, mais par amitié, il va y aller, et il va en effet retrouver... faire le chemin pour retrouver tous ces acteurs-là, en trouver d'autres même, parce qu'il y en a qui abandonnent en cours de... Donc c'est toute cette épopée, une épopée tragique, quoi, où il va chercher tout. Avec l'idée d'une représentation unique, ça. Voilà, juste une représentation unique dans un cinéma en ruine, voilà. Ouais. Délabré, etc. C'est l'histoire de ces allers-retours entre la France, Paris et Beyrouth au Liban, c'est ça? Un pays en paix, un pays en guerre? Voilà, on va voir donc essentiellement son aventure à Beyrouth, mais il a des allers-retours en France où on s'aperçoit petit à petit qu'il a de plus en plus de mal à vivre en paix avec sa fille, sa femme, et que la guerre, d'une façon sourde et terrible, commence à le prendre, et il va avoir du mal à vivre en paix. En fait. Comment vous pourriez traduire pour vous, l'un comme l'autre, l'écriture qui est propre à Sorge Chalandon, car l'auteur est capital effectivement dans ce spectacle. On parle de puissance poétique au niveau de son texte, philosophique, politique aussi également. Il a déjà eu l'occasion d'être repéré sur des sujets où il était question effectivement de conflits et justement de la difficulté de faire vivre la paix pour de vrai. Je pense effectivement à un livre qu'il avait écrit sur l'Irlande du Nord, pour ne pas l'indiquer. Je crois que d'ailleurs qu'il va être, il va venir ici à Cergy-Pontoise, c'est demain, c'est ça? Demain, le 9 novembre. C'est une rencontre, vous avez, comment dire, un peu de trac, tous les deux, dans cette rencontre avec lui? Pas vraiment, je suis très content qu'il puisse venir, enfin. On l'a invité il y a longtemps, mais comme il vient de sortir un livre, il est très très pris pour les signatures de son livre dans toute la France, donc il n'a pas pu venir jusqu'à présent. Il vient demain, donc j'espère que, voilà, il n'y aura pas de problème de transport, mais voilà, il sera là demain, et on est très heureux qu'il voit ce spectacle. En fait. Comment parler de son écriture? Parce qu'effectivement, elle est particulière. Je parlais de puissance poétique, philosophique, mais également politique. Oui, c'est ça. On connaissait son écriture déjà, comme vous dites, avec les livres qu'il avait écrits, notamment sur l'Irlande du Nord. Mais aussi, on se souvenait de ses articles dans Libération. Plus d'une trentaine d'années. Oui. Et des articles qu'on lisait parce qu'ils étaient écrits comme des nouvelles. Mmh. Et voilà, c'est en fait, l'écriture de Sorge Chalandon nous plaît parce que rien n'est caricatural. D'une part, parce qu'il connaît la guerre. Il est allé dans le cadre de son métier et il connaît la guerre. Et donc, il n'y a pas d'un côté les mauvais et puis de l'autre côté les bons. Il parle toujours d'hommes qui ont notre humanité, c'est-à-dire une humanité complexe, mmh. qui ne sont pas tout d'un bloc, etc. Il avait écrit ou suivi même le procès de Klaus Barbie, oui, dans mes souvenirs. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui nous a plu en lisant ce livre, c'est que sur ce terrain de guerre où tout est extrêmement compliqué, évidemment, les oppositions entre les communautés, oppositions religieuses, politiques, etc. Mais chaque fois, voilà, il donne à entendre et à voir une humanité complexe. Et c'est ça qu'on a aimé. Et d'autre part, voilà, moi j'ai été très... J'ai trouvé l'écriture formidable aussi dans ce livre, parce que sans arrêt... Voilà, il passe d'une situation, d'une action concrète, de quelque chose qui se passe, au récit. Et donc, il y a sans arrêt cette alternance qui est très musicale. Et donc, moi, je suis sensible, Jean-Paul aussi, à ça. Jean-Paul qui a monté beaucoup de théâtre de récit, on va dire. Et je trouvais qu'immédiatement, il y avait une proposition comme ça de musicalité entre les scènes qui se jouent et... celle qui se et le récit. Et d'ailleurs là dans le spectacle, les acteurs passent sans arrêt, certains acteurs, du récit au personnage qui joue à la scène, et c'est vraiment l'écriture de Chalandon qui nous a incités. D'ailleurs, vous parlez de musicalité, musique et chant en direct également dans ce spectacle. Est-ce que ça signifie, pour le metteur en scène que vous êtes, Jean-Paul Wenzel, une direction d'acteur particulière? On n'est pas simplement dans de l'interprétation, je suppose, pour les comédiens? C'est très singulier. C'est un travail très particulier sur l'acteur, parce que il y a du récit tout le temps, donc on s'adresse en direct aux gens dans une grande proximité avec les spectateurs, et d'autre part il y a une virtuosité de l'acteur je leur demande une virtuosité, parce qu'on doit passer très très vite du récit à une scène d'action, à une scène vivante, et cette scène vivante n'est pas forcément un travail psychologique ou voilà de comme on ferait derrière un quatrième mur, mais c'est un travail d'ouverture au public aussi dans les scènes dialoguées. Donc c'est une sorte de virtuosité très singulière. Musicien ou musique en direct également, c'est oui. Guitare électrique et oud, et je crois que vous allez nous proposer dans un instant un petit bout de oud, oui. Un petit peu de musique qui donnera des résonances à ce spectacle qui sera à découvrir sur scène cette semaine. Nous serons donc le jeudi 9 et vendredi 10 novembre à l'Apostrophe, scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. C'est au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Ce spectacle sera également présenté le vendredi 1er décembre au Centre culturel Le Figuier Blanc à Argenteuil, ainsi que le 8 décembre prochain à l'Orange Bleu à Aubonne. Et on peut préciser, ajouter, que ce spectacle est une création aussi, co-création du Festival Théâtral du Val d'Oise, car ce spectacle est présenté également dans ce cadre-là, festival qui commence aujourd'hui même, d'ailleurs, 8 novembre 2017. Un dernier mot ? Non, tout va bien. Tout est dit, on écoute la musique, donc cette musique sera présente dans votre spectacle ? Celle-là, pas tout à fait, mais celle-là, mais c'est... Hassan Abdelrahman qui l'a composé, qui est sur le plateau et qui joue du oud avec nous. Voilà. Extrait de Azrak. Thank you.

L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons parler d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche à l'apostrophe à Cergy-Pontoise, Rumeurs et Petits Jours, par le Raoul Collectif, que vous représentez éminemment tous les cinq. Cinq chroniqueurs radio qui sont en quête de la beauté, ai-je lu. C'est une utopie. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de, en effet, cinq chroniqueurs radio qui sont un groupe de cinq personnes. On peut imaginer qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont un projet à la fois esthétique, mais aussi politique. Ils ont une émission de radio, ils cherchent de la beauté. Et puis, un jour, ils apprennent que cette émission sera... qu'ils seront écartés de l'antenne, que l'émission sera annulée, qu'ils devront donc rendre les armes. Et à partir de ce moment-là, ils essayent de s'en sortir et de trouver des alternatives. Ils réfléchissent sur la notion de groupe, sur les idéologies politiques, sur le langage, et ils essayent de trouver des alternatives peut-être justement dans le non-langage, dans les images, dans l'imaginaire. Mmh. La presse en France a parlé d'une hilarante satire sur une émission de radio censurée. On se plonge dans les années 70, c'est bien ça l'histoire au départ. C'est vraisemblablement une parodie d'une émission bien connue sur les antennes françaises. On pense au masque et à la plume façon années 70 qui était diffusée sur France Inter. Oui, c'est pas une parodie du masque et la plume, mais c'est vrai que ça pourrait être une des références, une des inspirations qui nous a aidé à construire notre émission qui s'appelle Épigraphe. Oui. Alors, une pièce qui s'attaque vraiment sans le dire aux dérives de notre société, c'est ça ? Voilà, aux dérives néolibérales que connaît notre société actuelle, mondialisante, on va dire comme ça, et qui impose une violence sur le service public, par exemple, ce qu'incarne aussi ce groupe. Et la fin de cette émission annoncée est une mesure pour supprimer le service public parce que ça coûte trop cher. Donc, on resitue un peu le propos de votre spectacle. D'abord, l'histoire, en effet, c'est une émission de radio. C'est quand je disais pour dénicher la beauté, c'est de quelle beauté s'agit-il ? La beauté peut être multiple. Elle peut être de l'ordre littéraire. Elle peut s'étonner aussi sur une simple situation de vie. Elle peut s'étonner aussi sur des beautés que nous offre la nature. Bref, c'est une émission qui essaye de s'étonner de la beauté qui environne. L'image aussi qu'on cherche à rendre par là, si vous voulez, c'est qu'on décrit un monde où la rentabilité prime plus que sur la beauté, et nos chroniqueurs, eux, ils sont bien en recherche de beauté. Et c'est pour ça aussi qu'on les fait vivre un moment de crise, puisque certains décideurs ont décidé qu'il n'était plus utile de chercher de la beauté, que leur groupe n'était plus utile. Et donc ils mettent fin à ce groupe. Donc ça nous amène dans une situation de crise. Cinq chroniqueurs sur scène et en même temps il y a un sixième personnage un peu qui est incarné sur la scène et pendant la pièce, c'est la séductrice Tina. De qui s'agit-il ? Tina, c'est la petite... L'invité surprise. À un moment donné, en même temps il ne faut pas spoiler le spectacle, mais... Toujours est-il que quand ils apprennent que l'émission est arrêtée, donc c'est une émission sur la beauté, mais à vrai dire, on ne sait pas trop à quoi ressemble cette émission, puisqu'elle n'a pas lieu, étant donné que dès le début, ils apprennent que l'émission est annulée. Et à partir de ce moment-là, ils cherchent des solutions, et à un moment donné, ils décident en effet peut-être d'inviter une invitée surprise, d'inviter une idée sur le plateau, et cette idée, c'est Tina. Tina pour « There is no alternative », qui est une formule qui a été prononcée par Thatcher en disant qu'il n'y avait pas d'alternative à la pensée unique, une néolibérale. C'est une phrase qui a été prononcée dans les années 70. Et les chroniqueurs décident de la questionner, de la mettre à la question, sur scène, pendant l'émission, et en même temps, pendant le spectacle, devant les gens. Cette pièce, Rumeurs et Petits Jours, s'inscrit bien dans le travail théâtral qui est celui du collectif que vous composez, que vous avez créé. Un travail de réflexion autour de la relation entre individu et communauté, d'où l'esprit, l'idée même de votre collectif ? À vrai dire, le collectif il a été créé il y a maintenant à peu près 8 ans, c'est ça ? 9 ans. Il ne s'est pas créé pour faire collectif. Le collectif s'est créé pour défendre un spectacle, une idée, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que ce sont des thématiques de spectacle qui nous ont réunis à 5. Et par la suite, nous avons officialisé un collectif de travail. Et par la suite, nous avons fait un premier spectacle. Et par la suite, un deuxième spectacle. Donc là, la question du collectif, en effet, elle nous traverse tout le temps, tous les jours. Donc, on la connaît, mais ce n'est pas forcément pour autant un objectif de base. D'accord. On connaît cette question-là de fait, puisque c'est comme ça qu'on travaille. Alors, un collectif construit de 5 individus, de 5 individualités. Je crois que vous êtes à la fois interprète, mais tous les 5 metteurs en scène. Oui, et auteur. Oui. Et auteur. Tout à fait. Donc, c'est à la fois l'idée de la communauté, plus qui doit primer sur l'individu. Non, pas forcément. En fait, ce spectacle, Rumeur et Petit Jour, on peut dire qu'il fait écho au premier spectacle. Dans le premier spectacle, on mettait en scène des individus qui avaient rompu avec leurs milieux sociaux, leur famille, et qui se retrouvaient dans une forêt, et ces 5 individus formaient un groupe. Là, cette fois-ci, on a voulu interroger un groupe, de prime abord, un groupe qui, sous l'annonce d'une décision venue d'en haut, se disloque en 5 individus. Donc c'est un aller-retour, si vous voulez. On ne dit pas forcément que l'un doit primer sur l'autre. Par contre, on dit en effet que la question du groupe a tendance à disparaître de nos consciences collectives, en effet. Alors, vous avez choisi l'humour. On parle d'humour jubilatoire, d'ironie, de caricature pour justement traiter les sujets dont on vient de parler. Oui, en effet, le spectacle est assez drôle. en tout cas, il fait beaucoup rire les gens, donc on suppose qu'il est drôle. Et c'est un mode qui nous intéresse, oui, en effet, parce que, a priori, ça nous amuse. On aime bien se marrer sur le plateau, on aime bien faire marrer les gens. Et voilà, on aime bien tout ça. Comment vous est venue l'idée de créer un spectacle comme celui-ci? Vous disiez que c'est un peu dans la continuité, dans le prolongement d'une précédente création. J'ai cru lire que pour cette création, Rumeur et Petit Jour, vous avez fait un séjour, je ne sais pas, pour vous immerger dans une autre réalité. Vous êtes allé au Mexique? Oui, on est allé au Mexique. En fait, on est allé au Mexique sur les traces d'un personnage dramaturgique qu'on interrogeait pour notre premier spectacle, qui est un chasseur de ptérodactyles. Et on est allé le rencontrer au Mexique, et en allant de Mexico à Monterrey, là où il se trouve, eh ben, on a erré comme ça en groupe, et on a pu se perdre dans le désert notamment, et rencontrer une autre culture, rencontrer le peuple Huichol, et ça a été pour nous quelque chose de révélateur sur... la reconnaissance de l'autre groupe en tant qu'autre et de se rendre compte du choc culturel, de la résistance que ces peuples ont aussi et de l'oppression néolibérale qui pèse sur l'ensemble du monde. Et donc voilà, je dirais que c'est un voyage dramaturgique mais dans lequel il y a une forme d'errance qui nous nourrit malgré nous. Est-ce à dire que, pour avoir un peu lu votre dossier de presse, qu'il existe encore une alternative possible justement à ce monde et à cette société néolibérale? On est vraiment dans une actualité immédiate en France, comme vous le savez. Oui, ben nous pensons qu'il y a, pas une, mais plein d'alternatives au monde autoritaire néolibéral qui nous est imposé, bien sûr, oui. C'est pas ce qu'on peut... Bah oui, peut-être. L'idée, c'est qu'on ne travaille pas sur les alternatives, parce que ça, évidemment, on est convaincu qu'il y en a des milliers et qu'elles sont déjà en cours, c'est juste qu'on ne les visibilise pas et qu'elles n'ont pas de place décisive dans la société. Mais il y a déjà beaucoup d'autres manières de produire, de consommer, de créer qui ont cours. Ça, de toute façon, donc c'est pas sur les alternatives, le spectacle. C'est sur l'idée imbécile, mais pourtant répandue, selon laquelle il serait impossible d'envisager autre chose que ce que nous envisageons actuellement. Très bien, je crois qu'on va en rester là. Libération, qui est un journaliste de Libération, a vu votre spectacle en 2016. La troupe belge présente une hilarante satire sur une émission de radio censurée. Et le soir, en Belgique, a dit « Le Raoul Collectif poursuit sa méthode atypique avec Rumeurs et Petits Jours, décortiquant notre corps social en toute décontraction ». Donc, place à l'humour, si j'ai bien compris, tout de même. Évidemment. Elle l'a pas dit. Évidemment. Merci d'avoir bien échangé sur notre antenne de radio. Vous qui serez dans le spectacle des chroniqueurs radio, oui. Enquête pour dénicher la beauté. Merci. Eh bien, les auditeurs sont invités à venir découvrir votre spectacle les 21 et 22 novembre à la scène nationale L'Apostrophe au Théâtre des Louvrais à Pontoise dans le Val d'Oise. Merci. Et après, on boit un petit pulsar, oui. Très bien, merci à vous.

Avant de conclure cette émission, je dois vous rappeler une petite information concernant Antigone 82, spectacle d'après le quatrième mur de Sorges Chalandon, mis en scène par Jean-Paul Wenzel et adapté par Arlette Namianche. On a évoqué ce spectacle. Je rappelle les dates, c'est cette semaine, jeudi 9 novembre à 19h30, attention l'horaire, 19h30, et le vendredi 10 novembre à 20h30, spectacle qui vous propose 9 comédiens sur scène. Il était utile de vous le préciser. En conclusion, eh bien, pour toute information concernant l'ensemble des spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion de notre émission aujourd'hui, vous composez le 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 deux fois, ou sur internet au www.l'apostrophe.net, l'apostrophe tout attaché .net, mais également ce spectacle à l'affiche du Théâtre 95 au 01 30 38 11 99, 01 30 38 11 99, ou cette fois-ci sur internet également au www.théâtre95, tout attaché en un seul mot, théâtre95.fr. Remerciements à l'ensemble de nos invités, tant ceux qui étaient en studio que ceux que nous avons interviewés à distance. Remerciements également à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements à Damien Gissa pour la réalisation technique. Cette émission préparée et animée comme chaque mois par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi prochain, samedi 11 novembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur radio-rgb.net, puis disponible en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission sur cette même antenne, dans les mêmes conditions, le mercredi 12 décembre, ça sera la dernière de l'année 2017, mercredi 12 décembre, de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver soit à l'apostrophe, soit au Théâtre 95, soit sur votre antenne de radio locale RGB. Très belle soirée, très belle journée pour ceux qui nous redécouvrent un autre jour. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.